بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب الحمد لله. Donc hier on a pris, on a commencé dans le fiqh, dans le qism du fiqh, dans ce livre, et nous avions pris que chaque acte, pour chaque acte qui va être accompli pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'attention doit être mise avant. Nous avons dit également qu'il était le fait de la prononcer est une innovation. Prononcer cette niya atarafouz bin niya bid'a. Également, nous avons cité qu'est-ce que la bid'a, chose que nous avions déjà pris auparavant dans le dolos précédent. Fabada hada, qal al mu'allifu, hafidhahu Allah ta'ala. خلق الله الماء طهورا يطهر النجاسات والأحداث والدليل قول الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله تعالى ينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. Là c'est le 54e point qu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'eau purifiante et qu'elle purifie les impuretés et des choses qui annulent l'eau. Là, dans la traduction, il y a une erreur. Il écrit les excréments, mais les ahdeth, ce n'est pas excréments. Ahdeth, ce sont les choses qui se produisent, qui annulent l'eau, comme par exemple le fait de dormir, le fait de perdre la raison, ou par exemple les gaz qui sortent. Ce genre de choses. C'est ça qu'on appelle ahdath et non pas excrément. Excrément, ça s'entrerait dans najasat. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit et nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante. Et sa parole, Azawajel dans le sens où il dit et il fait descendre une eau du ciel sur vous afin de vous purifier par elle. Donc là, c'est le premier point qu'on prend, qui est le 54e du livre, qui concerne les eaux. Donc là, il commence par un tartib fiqhi, car avant tout, pour se purifier, il faut savoir par quoi tu te purifies. Et le principal moyen de se purifier, c'est l'eau. Comme le démontre ses preuves. L'eau, en premier lieu, il faut apprendre à savoir quelles sont les eaux qui sont bonnes à utiliser pour la purification. Les eaux sont de trois catégories, à la sahih. Sont de trois sortes. Al-ma at-tahur. C'est l'eau qui est pure en soi et qui purifie. C'est-à-dire par laquelle on peut se purifier. Al-thani al-ma at-tahir. C'est l'eau qui est pure seulement, mais qui ne purifie pas. Wa thalitha al-najasa. L'eau qui est impure, qui est souillée. Ensuite, savoir quand est-ce que l'eau mathalan devient souillure. Najasa. Ou lorsqu'elle est tahur et qu'elle ne devient que tahir. C'est-à-dire lorsqu'elle est purifiée et purifiante, mais après elle perd sa particularité de purification. C'est-à-dire elle est purifiée en elle-même, mais ne purifie pas autre. On ne peut l'utiliser pour faire l'eau d'eau. Donc là, le khurasa, c'est toute eau qui est purifiante est forcément pure en elle-même. Et ce n'est pas toute eau qui est pure qui est purifiante. Et bien évidemment, l'eau qui est une najasa, qui est une impureté, elle n'est ni l'une ni l'autre. Donc la base dans l'eau, c'est qu'elle est tahour. L'eau de la pluie, l'eau des sources, même l'eau de la mer, comme cela est venu dans le hadith d'Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, huwa at-tahour ma'uhu wal hillu maytatu. C'est l'eau qui est purifiante et dont les animaux qui y vivent, c'est-à-dire que les animaux de l'eau, les animaux marins, n'ont pas besoin d'être égorgés. C'est-à-dire la chair morte de ces animaux nous est licite. Mais là n'est pas le sujet. On a déjà fait des doulous dans Kitab al-Tahara de Boulou al-Maram avec plus de tafsir pour ceux qui veulent retourner. Inch'Allah ta'ala. Là, le shahid qu'on veut, c'est que l'eau de mer est tahour. Donc la base dans l'eau, c'est qu'elle est tahour. Comme le prouve le verset, « وَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » Donc, on descend des cieux, une eau purifiante. Donc la base dans l'eau, c'est qu'elle est purifiante. Maintenant, à quel moment elle ne l'est plus? C'est tout simplement, comme il y a ijma' des ulama dessus, lorsque son goût, ou son odeur, ou son aspect change, sa couleur change. Et pour quelle raison? À cause d'une najasa qui se serait mélangée. D'accord? Si jamais une impureté, une chose impure se mélange à cette eau, et en change sa couleur, son odeur et son aspect, alors cette eau devient une najasa. Elle n'est plus utilisable, elle n'est plus pure et ni purifiante. Par contre, une eau qui se mélange à une autre chose qui ne soit pas une najasa, une chose qui soit pure, mais qui change son aspect, qui change son odeur et qui change sa couleur, son goût, elle restera pure mais non purifiante. À titre d'exemple, de l'eau à laquelle on ajouterait par exemple du café. À la base de l'eau, on y met du café, ça devient du café. Est-ce que le café c'est une najasa? Non, ce n'est pas une impureté, c'est une chose qui est pure. Mais est-ce qu'elle est tahour? Est-ce qu'on peut se purifier avec? On ne peut pas. Pourquoi? Car ce n'est plus de l'eau, c'est devenu du café. Et une eau qui aurait été mélangée avec une najasa, par exemple de l'urine, à tel point qu'on voit directement la couleur que l'eau elle est devenue comme la couleur de l'urine, ou qu'on en sent l'odeur, d'accord? Ou qu'il y aurait le goût, pour celui qui goûterait, par exemple, qui sent que le goût ce n'est pas un goût d'eau. Alors là, l'eau, elle devient najasa elle-même, elle n'est plus ni tahir, ni tahur. Ni pure, ni purifiante. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il y a ijma', unanimité des savants. Donc cette eau, Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'a mis pour que nous puissions, du moins parmi les... nous purifier avec. Il y a d'autres choses par lesquelles on se purifie, comme la terre, lorsqu'on fait les ablutions sèches, cela va venir dans le livre, inshallah ta'ala. À la base, c'est l'eau. La base, c'est l'eau. Donc là, comme il l'a dit justement, que cette eau purifiante, elle purifie des impuretés. Impuretés comme par exemple l'urine, les excréments, le sang des menstrues pour la femme ou les alika. Et les hardeth, comme nous avons expliqué, comme le fait de dormir, comme le fait d'avoir perdu la raison, comme le fait d'avoir des gaz qui sortent par l'anus. Ah va, cette eau vient pour nous purifier en faisant l'eau. Et cela va venir, Inch'Allah, au fur et à mesure. Donc là, maintenant, on sait comment par quel moyen se purifier. Thumma qal fil mas'ala al-khamisati wal-khamsin. Ma'aza yaqulu man arada dukhul al-khala. An Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, iza dakhala al-khala, qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Muttabaqun alayhi. Donc 55e point qui est « Que dit celui qui veut rentrer aux toilettes » Qu'est-ce qu'il dit? D'après Anas ibn Malik, qui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré aux toilettes, disait « Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les djinns ou les shayatins, mâles et femelles. » Donc là également dans le livre, notre frère a écrit « djinn » et en réalité ce n'est pas « djinn » car parmi les djinns, il y en a qui sont des croyants. Et là, le sens voulu, c'est les shayatin, les djinn. Car ce n'est pas tout djinn qui est un shaytan. Ce n'est pas tout djinn qui est un shaytan. Et là, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cherché refuge près des shayatin. Particulièrement des djinn. Et shayatin, on les trouve également chez les hommes. Une fois qu'on a connu l'eau, la première chose, souvent, qu'on est amené à faire dans la journée, ou la première cause, les principales causes, qui amène à avoir besoin de se purifier, c'est le fait d'aller aux toilettes et de faire ses besoins. Donc de là, le cheikh a commencé par nous instruire, nous apprendre quelle invocation faire avant de rentrer aux toilettes. Car cela est partie du zikr. Al-Amin zikr est là. Et en presque chaque situation, on a une invocation à faire, avec une preuve à l'appui. Donc là, on en a une avant d'aller aux toilettes qui est « Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth » Là, il y a plusieurs sens qui ont été donnés également, au sens de khubuth ou al-khaba'ith. Le premier qu'on a donné, c'est celui qui est dans la traduction, ou que le frère a voulu, mais a mis djinn à la place, c'est en fait c'était shayatin. Des mâles et femelles. Khubuth, c'est les shayatin mâles, ou al-khaba'ith, c'est le djem de khabitha, qui lui est un mot féminin qui est shaytana. une diablesse. Il est venu aussi également une riwaya, une version avec khubth, et laissa khubuth, min el khubth ou al khaba'ith. Et là, le sens, c'est quoi? El khubth, c'est tous les shayatin, homme ou femme, en un seul mot, ou al khaba'ith, ce sont les péchés, les ma'asi, qui viendraient à dire, oh Allah, je cherche refuge, protection auprès de toi, contre les shayatin et contre les péchés. Et d'autres choses encore ont été citées. Il faut savoir que ce dua, l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit que il est mustahab et non pas obligatoire. C'est une cause de protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les shayatin sont des créatures qui vont dans les lieux sales remplis d'impureté. Ou des lieux où beaucoup de péchés y sont commis. Beaucoup de péchés y sont commis. Là où il y a beaucoup de mal. Donc de là, lorsqu'on rentre au hammam, on fait ce dua afin de se préserver du mal de ces créatures. Maintenant, aller aux toilettes, al-khala, comme cela est venu, cela est interprétable par deux sens. L'un des sens, c'est ce qu'on a actuellement à notre époque, qui est les toilettes. Les toilettes. Le lieu où on accomplit les besoins. Il faut faire attention, car en langue arabe, on dit hammam également. Mais hammam, c'est un lieu, c'est la salle de bain. Le lieu où on se douche. Et c'est pas forcément le lieu où on a accompli les besoins. Alors que khala, c'est plus précis. C'est vraiment le lieu dans lequel tu as accompli tes besoins. Aujourd'hui, hammam, c'est plus large. Mais ce n'est pas toute personne qui rentre au hammam qui dit cette invocation. Si maintenant c'est un hammam juste pour te doucher, par exemple, il n'y a pas de toilette dedans, il n'y a pas de WC, le dua n'a pas à être dit pour ça. Là, c'est un dua qui est fait pour celui qui va accomplir ou qui va faire ses besoins. Ce n'est pas tout entrer au hammam qui inclut forcément le fait de faire ce dua. Mais ici, dans les pays comme au Yémen, les deux sont dans la même pièce. Le hammam regroupe la douche, par exemple, et les toilettes. Les deux ensemble. Mais tu as d'autres endroits où les pièces sont séparées. Et également le khala, à sens plus large, c'est le lieu, comme on l'a expliqué, où on a accompli les besoins. Donc des fois, ça peut être dans la nature. Des fois, ça peut être dans la nature, à l'extérieur. Donc le lieu exactement où tu vas faire tes besoins, ça s'appelle le khala. Ismou le khala. Donc de là, à quel moment on fait le dua? Vu qu'il n'y a pas de porte, ce n'est pas un lieu construit ou quoi. Les ulama disent que tu le fais au moment où tu enlèves tes vêtements. Lorsque tu enlèves tes vêtements pour accomplir tes besoins, c'est là que tu fais le dua. Ce dua-là. Kama kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaf'al. Comme lui le faisait lorsqu'il partait, justement, faire ses besoins dans un lieu, dans la nature. Après, il y a un autre dua que le chien n'a pas cité, sur lequel il y a khilaf par rapport à son authenticité, qui est celui lorsqu'on sort justement du khala. Lorsqu'on a fini, lorsqu'on sort, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un hadith rapporté par Aïcha, ou rapporté par Boudou de Tirmizi, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana idhi kharaja min al-khala, qala ghufranak. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait du khala, il disait ghufranak. Je te demande pardon, dans le sens. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani, rahmallahu ta'ala, et rendu faible par d'autres ulama à cause d'un homme dans sa chaîne de narration. Et de là, comme le khilaf il est assez large, les ulama disent c'est pas une chose sur laquelle il y a lieu de blâmer ou quoi. Celui qui veut le dire, il le dit. Celui qui le dit pas, il le dit pas. Al-amr wasi', bidhalik. On va citer également quelques fawaïd qui sont liés au comportement à avoir lorsqu'on a compris les besoins. Également, toujours dans le sujet. Parmi ceux-là, il y a le fait de ne pas faire face à la qibla lorsqu'on a compris les besoins. Comme a dit le hadith Abi Ayyub al-Ansari, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha ataytum al-gha'it fala tastaqbilu al-qibla bi-gha'it wa la bawl wa la tastadbiruha walakin sharriku aw gharribu. Muttafaqun alayh. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si jamais vous rentrez dans un lieu pour faire vos besoins, que ce soit pour l'urine ou les excréments, alors ne faites pas face à la qibla ni ne lui tournez le dos, mais cependant sur les côtés. Après, il y a eu un khilaf par rapport au fait de tourner le dos à la qibla, comme cela a été rapporté par Ibn Omar, radiallahu anhu. Et là, des ulama disent, parmi les explications, que cela est, par exemple, si tu as accompli tes besoins dans un lieu qui est construit, et non pas à l'extérieur. Ça, c'est parmi l'une des explications qui ont été faites. Al-Muhim, le plus important surtout, c'est de ne pas faire face à la Qibla. Et des hadiths sont venus démontrer que le prophète Mohammed sallam a tourné le dos à la Qibla. Donc cela n'est pas interdit. Également, parmi les comportements à avoir, Inch'Allah, on va le citer dans la suite, dans la prochaine mas'ala. Qal, fil mas'alat al-salis wa khamsin, min adab qada al-haja. An Salman al-Farisi, radira anhu, annahu, qila lahu, allamakum, nabiyukum, kulla shayin, hatta al-khira'a. Qal, ajal, lakad nahana an nastaqbil al-qiblata bi-ghaitin aw bawlin, aw an nastanjiya bil-yamin, aw an nastajiya bi-aqal nisarasi ahjar. Akhrajou muslim. Parmi les bonnes manières, le bon comportement à avoir lorsqu'on fait ses besoins, d'après Salman al-Farisi, ça c'est la 56e, c'est le 56e point. D'après Salman al-Farisi, qu'on lui ait dit, votre prophète vous a enseigné toutes choses jusqu'à ce qui concerne les besoins, il dit en effet, il nous a défendu de faire face à la Qibla lorsqu'on urine ou défèque, et de nous nettoyer avec la main droite, et de nous nettoyer avec moins de trois pierres, rapporté par muslim. Non. Donc là, on a déjà cité le fait de, ce qui concerne le fait de faire face à la Qibla, ou de lui tourner le dos. Tourner le dos est une chose qui est permise. Avec des preuves, comme cela est venu dans le hadith d'Ibn Omar, qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en train de faire ses besoins, en montant sur la maison de Hafsa, et qu'il tournait le dos à la Qibla. On peut rajouter également parmi les comportements à voir, lors de l'accomplissement des besoins, comme a dit le hadith, Qatada, في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Selon Qatada, rapporté par Muslim, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui va faire ses besoins, qui ne tienne pas son pénis par la main droite, ni qui ne s'essuie par la main droite lorsqu'il fait ses défections, il nie qu'il ne respire dans le récipient dans lequel il boit. Car nous, en islam, à la base, la sunna, lorsqu'on se nettoie, et après avoir fait les besoins, c'est avec la main, mais avec la main gauche, directement. Cela peut amener à, peut-être, écœurer certaines personnes, mais c'est un comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc il est le meilleur. Mais il faut savoir une chose, cela se fait avec de l'eau. C'est-à-dire qu'après, on se nettoie automatiquement. Automatiquement. Qui est la chose la plus propre. Contrairement à ceux qui s'essuient avec du papier, par exemple du papier hygiénique, ils n'utilisent pas d'eau du tout. Cela ne suffit pas si on a la possibilité de pouvoir utiliser de l'eau. Le papier hygiénique, c'est permis. D'accord, c'est permis. Cependant, la sunna, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné de le faire avec la main en premier lieu. Et ce qui puisait avec la main gauche. Et avec de l'eau, ce qui est beaucoup plus propre. Également, parmi les moyens de pouvoir se purifier, avec les pierres. On appelle ça l'istijmar. Et l'istijmar, et cela peut avoir lieu avec trois pierres. Par exemple, celui qui est dehors et qui n'a pas d'eau avec lui. Comment il fait? Il utilise des pierres. D'accord? Il utilise des pierres, comme cela est venu dans plusieurs ahadiths. Et le minimum à faire, c'est trois. Trois pierres. Et certains ulama ont dit, si elle met la pierre à plusieurs facettes, distinctes les unes des autres, alors il est permis de faire trois fois que la même pierre, mais sur trois parties différentes de la pierre. Ah, mais trois fois qu'une seule pierre au même endroit, cela non, car cela ne va pas nettoyer. Le but, c'est d'enlever la najasa le plus possible. Donc avec une pierre, si on le fait qu'une seule pierre, le faire avec trois facettes différentes de la pierre. Sinon, faire avec trois pierres minimum, et ce qui le fait de nombre impair. 3, 5, 7, il est réel d'alika. Et il n'est pas permis de faire l'istinja, par exemple, avec des ossements ou des crottins secs d'animaux. Car cela est la nourriture des djinns. Parmi les comportements également à avoir lors de l'accomplissement des besoins, huwa al-bourd ou l'istitar. Comme a dit le hadith al-Mughira ibn Shu'ba, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kana idha dhahaba al-madhhab ab'ad, akhrajou al-Tirmidhi wa Abu Dawud, wa sahahahu al-Albani, rahimahullah ta'ala. Le fait de s'isoler. Celui qui fait ses besoins s'isole. Aujourd'hui, alhamdoulillah, on a des pièces qui sont isolées, avec des portes. Mais quand quelqu'un le fait dans la nature, par exemple, il s'éloigne des gens. Comme dans le hadith de Mughira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait pour accomplir ses besoins, il s'éloignait. Il s'éloignait. Et cela pour différentes raisons, par exemple pour éviter que les gens entendent des bruits qui seraient assez gênants ou des odeurs au relevé à l'écart. Celui qui accomplit ses besoins s'éloigne des gens, tant qu'il peut. Ou principalement pour les défections. Amalurin el Amsel, il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa kamala aqibihi Huzaifa. Comme a dit le Sahihain, que Huzaifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a voulu uriner, et Huzaifa s'est mis derrière lui afin de le cacher. Donc pour l'urine, la chose est plus souple. Le fait d'uriner, cela est plus souple. Mais le fait d'aller à la défection, de faire les grands besoins, comme on dit, alors là, il faut s'éloigner des gens, le plus possible. Et le fait également de préserver les vêtements du retour de Najasa sur eux. Par exemple, lorsqu'on urine, faire attention de ne pas s'éclabousser. Des hadiths sont venus de choisir un sol qui est mou plutôt qu'un sol qui est dur, si cela est possible. Et bien faire attention, car parmi les shurut de la tahara pour la salat, comme cela va venir, d'être pur sur soi. Que les vêtements ne soient pas entachés de najasat. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ستر العورة عن العين واجب بالإجماع. Que le fait de cacher les parties intimes qui sont de la cuisse jusqu'en bas du nombril, là c'est les parties qui sont vraiment dures, et des genoux jusqu'au nombril, des parties qui sont un peu plus souples, mais toujours qui rentrent dans la aura, cela est une chose qui est obligatoire avec unanimité des savants. Donc les gens n'ont pas à te voir, à voir ces parties-là, lorsque tu fais tes besoins. Les gens n'ont pas à les voir. Donc il faut se cacher. Et éviter de faire du zikr lorsqu'on accomplit les besoins. Cela est makruh. Comme l'ont dit les ulama, cela est makruh, cela est détestable. Donc là, c'est des choses qu'on a appris aujourd'hui, qui sont que l'on se purifie par de l'eau. On a appris, de façon résumée, les catégories d'eau. Et quand est-ce que l'eau est utilisable ou pas? Et quel genre d'eau qui est utilisable ou pas? On a appris le doa à faire avant de rentrer ou avant d'accomplir les besoins. Et on a appris également certains comportements à avoir lors de l'accomplissement des besoins. Et tout cela, comme on l'expliquait, a été dit déjà dans les doulous précédents, dans les doulous de le livre de la purification de Boulour al-Maram, le Fat al-Allam, avec l'étude faite par notre cher Mohamed ibn Hizam, et le frère Mounir, Hafizallahu Ta'ala, également un cours sur le sujet. Les comportements à voir lors de l'accomplissement des besoins. Azahou. Sanar Kefuna. Et on poursuivra par la suite, Inch'Allah Ta'ala, toujours dans ce bab de fiqh, qui concerne premièrement la purification, par la suite la salat ou les alika. Falhamdulillahi Rabbil Alameen.